Premier livre des rois, chapitre 11. Or le roi Salomon aima plusieurs femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, savoir des Moabites, des Ammonites, des Iduméennes, des Sidoniennes et des Éthiennes, qui étaient d'entre les nations, dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point vers elles, et elles ne viendront point vers vous, car certainement elles feraient détourner votre cœur pour suivre leur Dieu. » Salomon s'attacha à elles, et les aima. Il eut donc 700 femmes princesses, et 300 concubines, et ces femmes firent égarer son cœur. Car il arriva sur le temps de la vieillesse de Salomon, que ces femmes firent détourner son cœur après d'autres dieux, et son cœur ne fut point droit devant l'Éternel son Dieu, comme avait été le cœur de David son père. Et Salomon marcha après Astaroth, la divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Ainsi Salomon fit ce qui déplaît à l'Éternel, et il ne persévéra point à suivre l'Éternel, comme avait fait David son père. Et Salomon bâtit un haut lieu à Kémo, l'abomination des Moabites, sur la montagne qui est vis-à-vis de Jérusalem, et à Molech, l'abomination des enfants de Ammon. Il en fit de même pour toutes ces femmes étrangères, qui faisaient des encensements et qui sacrifiaient à leur Dieu. C'est pourquoi l'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois, et qui même lui avait fait ce commandement exprès, qu'il ne marcha point après d'autres dieux, mais il ne garda point ce que l'Éternel lui avait commandé. Et l'Éternel dit à Salomon, « Parce que ceci a été en toi, que tu n'as pas gardé mon alliance et mes ordonnances que je t'avais prescrites, certainement je déchirerai le royaume, afin qu'il ne soit plus à toi, et je le donnerai à ton serviteur. Toutefois pour l'amour de David, ton père je ne le ferai point en ton temps, ce sera d'entre les mains de ton fils que je déchirerai le royaume. Néanmoins je ne déchirerai pas tout le royaume, j'en donnerai une tribu à ton fils, pour l'amour de David mon serviteur, et pour l'amour de Jérusalem, que j'ai choisi. » L'Éternel donc suscita un ennemi à Salomon, savoir Adaï d'Uméen, qui était de la race royale d'Édom. Car il était arrivé qu'au temps que David était en Édom, lorsque Joab chef de l'armée, monta pour ensevelir ceux qui avaient été tués, comme il tua tous les mâles d'Édom, car Joab demeura là 6 mois avec tout Israël, jusqu'à ce qu'il eût exterminé tous les mâles d'Édom, Adaï s'était enfui, avec quelques Iduméens qui étaient d'entre les serviteurs de son père, pour se retirer en Égypte, et Adaï était alors fort jeune. Et quand ils furent partis de Madian, ils vinrent à Paran, et prirent avec eux des gens de Paran, et se retirèrent en Égypte vers Pharaon roi d'Égypte, qui lui donna une maison, et lui assigna de quoi vivre, et lui donna aussi une terre. Et Adaï fut fort dans les bonnes grâces de Pharaon, de sorte qu'il le maria à la sœur de sa femme, la sœur de la reine Tachpenay. Et la sœur de Tachpenay lui enfanta son fils Genubat, que Tachpenay sevra dans la maison de Pharaon. Ainsi Genubat était de la maison de Pharaon, entre les fils de Pharaon. Or quand Adaï eut appris en Égypte, que David s'était endormi avec ses pères, et que Joab chef de l'armée était mort, il dit à Pharaon, « Donne-moi mon congé, et je m'en irai en mon pays. » Et Pharaon lui répondit, « Mais de quoi as-tu besoin étant avec moi, pour demander ainsi de t'en aller en ton pays ?» Et il dit, « Je n'ai besoin de rien, mais cependant donne-moi mon congé. » Dieu suscita aussi un autre ennemi à Salomon, savoir Rezon fils d'Eljada, qui s'en était fui avec son seigneur Adarézé, roi de Tsoba, qui assembla des gens contre lui, et fut chef de quelques bandes, quand David les défit, et ils s'en allèrent à Damas, et y demeurèrent, et y régnèrent. Rezon donc fut ennemi d'Israël tout le temps de Salomon. Outre le mal que fit Adaï, et il donna du chagrin à Israël, et régna sur la Syrie. Jéroboam aussi fils de Nébat, Ephratien, de Tséréda, dont la mère avait nom de Tseruya, femme veuve, serviteur de Salomon, s'éleva contre le roi. Et ce fut ici l'occasion pour laquelle il s'éleva contre le roi, c'est que quand Salomon bâtissait Milo, et comblait le creux de la cité de David son père, là se trouva Jéroboam, qui était un homme fort et vaillant, et Salomon voyant que ce jeune homme travaillait, le commit sur toute la charge de la maison de Joseph. Or il arriva en ce même temps, que Jéroboam étant sorti de Jérusalem, Ahija Silonite, prophète, vêtu d'une robe neuve, le trouva dans le chemin, et ils étaient eux deux tout seuls au champ. Et Ahija prit la robe neuve qu'il avait sur lui, et la déchira en 12 pièces, et il dit à Jéroboam, « Prends-en pour toi 10 pièces, car ainsi a dit l'Éternel le Dieu d'Israël, voici, je m'en vais déchirer le royaume d'entre les mains de Salomon, et je t'en donnerai 10 tribus. Mais il en aura une tribu, pour l'amour de David mon serviteur, et pour l'amour de Jérusalem, qui est la ville que j'ai choisie d'entre toutes les tribus d'Israël. Parce qu'ils m'ont abandonné, et se sont prosternés devant Astaroth le dieu des Sidoniens, devant Kemo le dieu de Moab, et devant Milcom le dieu des enfants de Ammon, et qu'ils n'ont point marché dans mes voies, pour faire ce qui est droit devant moi, et pour garder mes statuts, et mes ordonnances, comme avait fait David, père de Salomon. Toutefois je n'ôterai rien de ce royaume d'entre ses mains, car tout le temps qu'il vivra je le maintiendrai prince, pour l'amour de David mon serviteur que j'ai choisi, et qui a gardé mes commandements et mes statuts. Mais j'ôterai le royaume d'entre les mains de son fils, et je t'en donnerai 10 tribus. Et j'en donnerai une tribu à son fils, afin que David mon serviteur, ait une lampe toujours devant moi dans Jérusalem, qui est la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai donc, et tu régneras sur tout ce que ton âme souhaitera, et tu seras roi sur Israël. Et il arrivera que si tu m'obéis en tout ce que je te commanderai, et que tu marches dans mes voies, et que tu fasses tout ce qui est droit devant moi, en gardant mes statuts et mes commandements, comme a fait David mon serviteur, je serai avec toi, et je te bâtirai une maison qui sera stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. Ainsi j'affligerai la postérité de David à cause de cela, mais non pas à toujours. Salomon donc chercha de faire mourir Jéroboam, mais Jéroboam se leva, et s'enfuit en Égypte vers Sisa roi d'Égypte, et il demeura en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Le reste des faits de Salomon, tout ce qu'il a fait, et sa sagesse, cela n'est-il pas écrit au livre des faits de Salomon? Or le temps que Salomon régna à Jérusalem sur tout Israël fut 40 ans. Ainsi Salomon s'endormit avec ses pères, et il fut enseveli dans la cité de David son père, et Roboam son fils régna en sa place.